Chapitre 11. C'était un samedi, jour de marché, et les rues étaient pleines de paysans. Sur la grande place que je traversais pour regagner mes voitures, Filas et Labouilly étaient arrêtés devant Turquetin, qui, au son de la grosse caisse et du trombone, arrachait les dents avec tant de rapidité qu'on les voyait voler en l'air comme s'il eût joué avec des osselets. Tout jeune, alors, Turquetin n'avait point encore la célébrité que 30 années de bataille contre les mâchoires normandes, plus braves que solides, lui ont si justement acquise. Mais déjà sa sûreté de main, et surtout sa bonne humeur narquoise et gouailleuse, l'avait rendu populaire dans tous les départements de l'Ouest. La foule était compacte autour de sa voiture. Mauvais gymnasiarque, Labouilly était un très remarquable escamoteur, et son grand plaisir était de pratiquer son art en jouant des tours plus ou moins gais aux paysans. Quand je le vis au milieu du public de Turquetin, je pensais bien qu'il était là pour s'amuser, et je restai pour savoir quelle malice il allait inventer. Seulement, comme plus d'une fois, à ce jeu, il avait récolté des claques, je me tins prudemment à l'écart. Bien m'en pris. Ce jour-là, le jeu, pour mes deux camarades, consistait à prendre leur tabatière aux gens qui prisaient et leur mouchoir à ceux qui ne prisaient pas. Naturellement, c'était Labouilly qui, avec sa dextérité de main, était chargé de fouiller les poches. Le rôle de la Filas consistait, quand on lui passait une tabatière, à remplacer le tabac par du marc de café, et quand on lui passait un mouchoir propre, à le barbouiller de tabac. Attentif au boniment de Turquetin, les yeux attachés sur le malheureux patient qui attendait qu'on voulût bien l'opérer, les oreilles pleines du bruit de la grosse caisse ou des éclats de voix du charlatan, insensible à tout le reste, les paysans se laissaient fouiller comme s'ils eussent été des mannequins inanimés. Déjà plusieurs avaient tiré leurs mouchoirs et avaient éternué avec frénésie, au grand contentement des deux complices qui se tordaient de rire. D'autres, après avoir prisé, regardaient leur tabatière avec une surprise véritablement si comique que l'envie me gagna de prendre une part active à cette mystification. Mais comme j'allais me joindre à mes camarades, je vis un gendarme se faufiler derrière Labouilly, et au moment où celui-ci introduisait sa main dans la poche d'une vieille femme, le saisir au collet. Il y eut un grand mouvement dans la foule, une rumeur, et Filas fut aussi arrêté. Sans chercher à en voir davantage, je me dégageai de quelques personnes qui m'entouraient, et tremblant de peur, je me hâtai de regagner notre campement où je racontai ce qui venait d'arriver. Une heure après, des gens de justice arrivèrent pour faire des perquisitions dans nos voitures. Naturellement, on ne trouva rien, car mes deux camarades n'étaient pas des voleurs. Cependant, on les garda en prison, et les explications de la Pollade, tendant à persuader les magistrats qu'il n'y avait là qu'une mauvaise plaisanterie de deux gamins, furent si mal reçues qu'il ne dut pas insister, de peur d'être arrêté lui-même comme complice, ou tout au moins comme receleur. La police n'est pas douce aux saltimbanques, et si un crime est commis dans un pays au moment où ils le traversent, ce sont eux, les premiers, qu'on accuse. Contre eux, il n'est pas nécessaire de prouver qu'ils sont coupables, et c'est à eux, au contraire, de prouver qu'ils n'ont rien fait. Filas et Labouilly, surpris les mains dans les poches des paysans, ne purent pas prouver qu'ils ne voulaient pas voler, et ils furent condamnés à la détention dans une maison de correction jusqu'à leur majorité. Il fut décidé que pour boucher le vide que leur absence faisait dans la troupe, je les remplacerais tous les deux. À cette proposition de la Pollade, je poussai les hauts cris. Je n'avais aucune vocation pour me disloquer et m'enfermer dans les boîtes. « Il n'est pas question de boîtes, » dit-il en me tirant les cheveux, ce qui chez lui était une caresse et un témoignage de bienveillance. « Tu as de la souplesse, tu réussiras très bien dans la voltige. » Ce fut à la foire d'Alençon que je débutai. Par malheur, mon éducation n'avait pu être poussée bien loin. et quoique mes exercices fussent très simples, ils donnèrent lieu cependant à un accident qui dérangea nos projets de fuite. C'était un dimanche. Nous avions commencé nos représentations à midi, et sans une minute d'interruption, nous les avions continuées jusqu'au soir. Les musiciens desséchés pouvaient à peine souffler dans leurs instruments. La polade ne poussait plus que quelques cris, qui étaient plutôt un aboiement qu'un boniment. Le lion ne voulait plus se lever, et quand Yelette le menaçait de sa cravache, il attachait sur elle, sans bouger, ses yeux alanguis qui demandaient grâce. Pour moi, j'étais mort de fatigue. J'avais faim, j'avais soif. Je ne pouvais plus remuer ni les bras ni les jambes. À 11 heures, il y avait encore du monde devant notre baraque, et la polade décida que nous devions donner une dernière représentation. « Je ne connais que les plaisirs du public, » dit-il dans sa courte parade. « Nous sommes exténués, mais dussions-nous tous mourir de fatigue, nous nous devons à votre curiosité. Entrez, entrez !» C'était par mes exercices que commençait le spectacle. Il consistait en sauts périlleux par-dessus 4 chevaux et en tours de force au bout d'une perche que tenait Cabriole. Je réussis assez mal mes sauts, et le public murmura. Lorsque Cabriole me présenta la perche, j'eus la tentation de dire que je n'en pouvais plus. Mais les yeux de la polade, fixés sur moi, avec une expression que je ne comprenais que trop, mon amour-propre, l'excitation de la foule, me décidèrent. Je sautai sur les épaules de Cabriole et grimpai à la perche assez facilement. Cabriole était lui aussi fatiguée. Au moment où, à la force du bras, je me dressais horizontalement pour former un angle avec la perche, je la sentis vaciller. Mon sang s'arrêta. J'ouvris les doigts et me laissai tomber en étendant les mains en avant. La foule poussa un cri et je touchai la terre. Le coup fut rude, car je tombai d'une hauteur de 5 mètres. Et sans la couche de sueur de bois, assurément je me serais brisé. Je sentis une violente douleur à l'épaule avec un petit craquement. Je me relevai aussitôt, et comme je l'avais vu faire, je voulus saluer le public qui, debout sur les banquettes, me regardait avec anxiété. Mais je ne pus pas lever le bras droit. On m'avait entouré. Tout le monde me parlait à la fois. On m'étouffait. Je souffrais beaucoup et le cœur me manquait. « Ça ne sera rien, » dit la polade. « Veuillez reprendre vos places. La représentation va continuer. »« Il ne pourra pas faire ça, » dit Cabriole, en levant ses 2 bras au-dessus de sa tête. « Les bonnes âmes peuvent dormir tranquilles. » Et le public applaudit en riant formidablement. En effet, pendant 6 semaines, je ne pus pas faire le geste indiqué par Cabriole, car j'avais la clavicule cassée. Dans la banque, on a généralement peu recours aux médecins. Ce fut la polade lui-même qui m'appliqua un bandage sur l'épaule quand la représentation fut finie. Pour tout remède interne, il me fit coucher sans souper. J'habitais seul la voiture des bêtes. J'étais sur mon lit depuis plus de 2 heures, sans pouvoir dormir, brûlé par une soif fiévreuse, me tournant, me retournant avec colère, sans trouver une bonne position pour mon épaule, quand il me sembla qu'on ouvrait doucement la porte de la voiture. « C'est moi, » dit Yelette à voix basse. « Dors-tu ?»« Non. » Elle entra vivement et venant à mon lit, elle m'embrassa. « C'est pour moi, » me dit-elle. « Me pardonneras-tu »« Quoi ? Si je t'avais laissé partir, tu ne serais pas tombée aujourd'hui. » Par le vasistas, la lumière de la lune dans son plein frappait la figure de Yelette. Il me sembla voir des larmes dans ses yeux. Je voulus faire le brave. « Ça n'est rien, » dis-je. « Crois-tu que je sois douillet ?» J'essayai d'étendre le bras, mais une douleur aiguë me fit pousser un petit cri. « La vois-tu, » dit-elle, « c'est pour moi, pour moi. » Et avec un brusque mouvement, elle défit sa camisole. « Tiens, regarde, » dit-elle. « Quoi ? Tâte, là. » Elle me prit doucement la main et la posa sur son bras. Je sentis comme du sang. « Quand j'ai vu que tu avais l'épaule cassée, » dit-elle, « je me suis mordu le bras tant que j'ai pu, pour que ça me fasse bien du mal, parce que quand on est amis, il faut souffrir ensemble. » Elle dit cela avec une énergie de sauvage, et ses yeux reflétèrent la lumière de la lune comme s'ils eussent été des diamants. Ce qu'elle avait fait était absurde, mais je me sentis tout émue et j'eus envie de pleurer. « Es-tu bête ? » dit-elle en devinant mon émotion. Tu en aurais fait autant pour moi. Tiens, je t'ai apporté du raisin que j'ai pris dans le coffre. As-tu faim ? J'ai soif, le raisin me fera du bien. » Elle alla encore me chercher une tasse d'eau, sans faire plus de bruit qu'une ombre. « Maintenant, dit-elle, il faut dormir. » Elle m'appuya la tête sur le traversin. « Il faut guérir bien vite pour que nous nous sauvions. Le jour où tu pourras marcher, nous partirons. Je ne veux plus que tu remontes à la perche. Ça n'est pas fait pour toi, ces métiers-là. » « Et si la Paulade me force ?»« Lui, je le ferai plutôt manger par mouton. Ce n'est pas difficile, va. Un coup de patte, un coup de dent, crac. » Sur le seuil de la porte, avant de la refermer, elle fit un signe d'amitié. « Dors. » Il me sembla que mon épaule était moins endolorie. Je trouvai une position pour m'étendre et m'endormir, en pensant à ma mère, le cœur ému mais pas trop attristé. Ce qu'il y avait de plus fâcheux dans mon accident, c'est qu'il retardait notre fuite et nous amenait fatalement à la mauvaise saison. J'avais bien pu coucher en plein champ pendant les belles nuits d'été, mais en novembre, quand les nuits seraient longues et froides, avec de la pluie, de la neige peut-être. Diélette ne me laissait rien faire, et c'était elle-même qui soignait les bêtes. Elle montrait plus d'impatience que moi de me voir guérie, et quand je lui disais quelquefois qu'il serait plus prudent d'attendre le printemps, elle se fâchait. « Si tu restes avec eux, disait-elle, tu seras mort au printemps. La Paulade veut t'apprendre un tour de trapèze, tu n'en réchapperas pas. Et puis nous nous éloignons toujours de Paris, au printemps nous serons peut-être dans le midi. » C'était là une raison déterminante. Il fallait se dépêcher de guérir. Tous les matins, je passais l'inspection devant Diélette. Pour cela, je m'appuyais le dos contre la cloison de la voiture et je levais le bras autant que je pouvais. Avec son couteau, elle faisait, sur la cloison, une marque à la hauteur où je m'arrêtais. Et ainsi, en comparant cette hauteur à celle de la veille, nous suivions jour par jour la marche de la guérison. D'Alençon, nous étions venus à Vendôme, et de Vendôme à Blois. De Blois, nous devions aller à Tours, où je reprendrais mes exercices. Il était donc décidé, avec Diélette, qu'à Blois, nous quitterions la caravane, et que par Orléans, nous nous mettrions en route pour Paris. Elle m'avait donné son argent, et chez un brocanteur de Vendôme, j'avais acheté une vieille carte routière de la France. Avec une épingle à cheveux, je m'étais fabriqué un compas, et j'avais compté comme distance de Blois à Paris, 40 lieues. C'était bien long au mois de novembre, quand les journées sont à peine de 10 heures. Diélette, qui ne savait pas marcher, pourrait-elle faire des étapes de 6 lieues? Elle l'affirmait bravement, mais moi j'en doutais. Dans tous les cas, c'était un voyage d'une semaine. Heureusement, elle avait augmenté ses économies, qui montaient maintenant à 10 francs. Notre provision était faite, mes souliers étaient achevés. Et elle avait eu la chance de ramasser sur la route une vieille couverture de cheval sur laquelle nous comptions beaucoup pour nous envelopper la nuit. Nous étions donc prêts, et nous n'attendions plus pour partir que la parfaite guérison de mon épaule qui, d'après nos calculs, et surtout d'après les progrès constatés par l'écran de la cloison, devait coïncider avec la fin de notre séjour à Blois. Mais une révolte de moutons, d'ordinaire si pacifique, nous retarda encore. Un soir, deux Anglais, qui avaient beaucoup applaudi Diélette, s'approchèrent d'elle lorsque le public fut sorti et demandèrent qu'elle recommençât ses exercices. La Paulade accepta cette proposition avec d'autant plus d'empressement qu'elle était faite par deux hommes qu'un dîner abondant semblait avoir disposé à la générosité. Diélette rentra dans la cage. « Charmante, cet enfant. Très brave. » Et ils recommencèrent à applaudir. Je ne sais quel sentiment d'amour-propre excita la jalousie de la Paulade, mais il dit que si elle pouvait se livrer aussi tranquillement à ses jeux avec le lion, cela tenait à l'éducation que lui, la Paulade, avait su lui donner. « Vous, dit le plus petit des deux Anglais, un très joli garçon, rose et blond, vous êtes un blagueur, vous n'entreriez pas dans la cage. »« Dis Louis contraint que vous n'entrez pas, dit le second. Je les tiens. « Bien, mais la petite fille va sortir et vous entrerez seule. » C'est peut-être un préjugé de croire qu'il faut un grand courage pour entrer dans les cages des bêtes féroces. « La cravache, dit la Paulade à Diélette. « Entendu, dit le petit Anglais, que l'enfant va s'en aller et qu'elle ne reviendra plus. Entendu. Nous étions tous là, cabriole, Madame Lapolade, les musiciens et moi, qui devaient ouvrir la porte de la cage. Lapolade se débarrassa de son costume de général. « Si ce lion est intelligent, dit l'un des Anglais, il ne lui fera pas de mal, c'est de la viande trop coriace. » Et ils se mirent tous deux à plaisanter, en se moquant de notre patron, ce qui nous faisait bien rire. Intelligent, Mouton l'était assez pour avoir gardé le souvenir des coups de manche de fourche que Lapolade lui administrait souvent à travers les barreaux. Et il se mit à trembler quand celui-ci entra gravement dans la cage, la cravache haute. Cette attitude de la bête encouragea Lapolade. Il crut qu'il était maître du vieux lion et lui cingla un coup de cravache pour le faire lever. Mais les coups de cravache ne ressemblent pas aux coups de fourche. Mouton comprit qu'il tenait son ennemi en son pouvoir. Un éclair de courage frappa sa cervelle abrutie. Il se dressa debout, en rugissant, et avant que Lapolade eût pu faire un pas, il se laissa retomber sur lui. Lapolade s'affaissa sous les deux pattes formidables dont on voyait les ongles se crisper, et le lion le roula sous son ventre avec un hurlement rauque. « Je suis mort !» s'écria Lapolade. Courbé sur lui, le lion nous regardait à travers la grille. Ses yeux lançaient des flammes. De sa queue, il se battait les flancs qui résonnaient comme un tambour. Cabriole saisit une fourche et frappa dessus à coups redoublés. Il ne bougea pas. Alors, un des Anglais tira un revolver de sa poche et l'approcha de l'oreille du lion qui touchait presque les barreaux. Mais d'un geste rapide, Madame Lapolade lui releva le bras. « Ne le tuez pas ! » cria-t-elle. « Oh ! » dit l'Anglais. « Elle aime mieux son lion que son mari. » Et il murmura quelques mots en langue étrangère. Le tapage, les cris avaient attiré Dialette. Elle courut vers la cage. Un des barreaux était disposé de manière à s'écarter et à livrer passage à son corps fluet, si elle était surprise, sans cependant que le lion pût y passer sa grosse tête. Elle écarta ce barreau et entra dans la cage sans que Mouton, qui lui tournait le dos, la vit. Elle n'avait pas de cravache. Elle lui sauta courageusement à la crinière. Surpris de cette attaque et ne sachant d'où elle venait, il se retourna si brusquement qu'il la renversa contre les barreaux. Mais en voyant qui elle était, il laissa retomber sa patte déjà lancée pour la broyer. Et se relevant de dessus Lapolade, il alla se blottir dans un coin. Lapolade n'était pas mort, mais si contusionné qu'il fallut le tirer à force de bras pendant que Dialette maintenait du regard le lion honteux. Elle sortit elle-même en boitant. Le lion lui avait tordu la jambe et elle avait une foulure qui la retint pendant 8 jours sur une chaise, tandis que Lapolade gardait le lit, à moitié mort, déchiré, crachant le sang. Enfin, au bout de 15 jours, elle me déclara qu'elle pouvait très bien marcher sans douleur et que le moment était venu de mettre notre projet à exécution. Retenue par ses blessures, Lapolade ne pourrait pas nous poursuivre. C'était le 3 novembre, mais l'automne était beau. En nous hâtant, nous pouvions espérer d'arriver à Paris avant le mauvais temps. Notre plan, longuement discuté, avait été définitivement arrêté ainsi. Comme je n'étais pas surveillé, je sortirais le premier de la baraque, emportant tout le bagage, c'est-à-dire la provision de croûte, la couverture, une bouteille, mes souliers de rechange, un petit paquet de linge qui avait été caché dans ma caisse par Dialette, une casserole de fer blanc, enfin tout un déménagement. Puis, quand les époux Lapolade seraient endormis, Dialette se lèverait, s'échapperait de la voiture et viendrait me rejoindre près d'un arbre que nous avions marqué sur le boulevard. J'y arrivai comme 11 heures sonnaient. Dialette m'y rejoignit à 00h seulement. Je commençais à désespérer et je craignais qu'elle n'eût été surprise quand j'entendis son pas léger sur la terre du boulevard. Elle coupa une bande de lumière et je reconnus la cape rouge qui lui servait à s'envelopper lorsque, sortant de la représentation, elle venait assister à la parade. « J'ai cru que je ne m'échapperais jamais, » dit-elle en haletant. Lapolade gémissait comme un phoque. Il ne voulait pas s'endormir. Et puis j'ai été dire adieu à Mouton. Pauvre Mouton, c'est lui qui va avoir du chagrin. « As-tu bien tout ?» Ce n'était pas le moment de nous livrer à un inventaire. Je lui dis qu'on pouvait nous surprendre et qu'il fallait nous hâter de gagner la campagne. « Bon, dit-elle, partons. Mais avant, donne-moi ta main. »« Pour quoi faire ?»« pour que tu la mettes dans la mienne et que nous jurions tous les deux que c'est à la vie et à la mort. Veux-tu jurer ça ? Je veux bien. Alors donne-moi ta main et dis comme moi. Nous nous aiderons à la vie, à la mort. À la vie, à la mort. Elle me serra la main et je me sentis tout ému de l'accent avec lequel elle prononça cette formule. Il régnait dans la ville déserte un silence mystérieux, troublé seulement par le jet d'une fontaine qui coulait avec de petits clapotements dans le ruisseau, et aussi par la plainte des réverbères qui, sous le souffle du vent, criaient au bout de leur chaîne de fer. Leur balancement faisait de grandes ombres changeantes sur le pavé de la rue. « Maintenant marchons, » dit-elle en prenant les devants. Nous ne tardâmes pas à sortir de la ville et à nous trouver dans les champs. Tout en la suivant, je l'examinais curieusement. Il me semblait qu'elle avait le bras gauche arrondi, comme si, sous sa cape, elle portait quelque chose. Puisque j'avais tout le bagage, qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Je le lui demandai. « C'est mon réséda, » dit-elle en ouvrant sa cape. Et j'aperçus un petit pot coiffé d'un papier doré. Elle avait toujours cultivé cette fleur qui occupait un des vasistas de la voiture et pour laquelle je lui avais vu plus d'une fois des exigences tyranniques qui exaspéraient la Paulade. « Comment veux-tu que nous portions ça ? » dis-je, assez contrarié de cette surcharge nouvelle. « Fallait-il l'abandonner ? Elle serait morte, c'est bien assez de moutons. Pauvre mouton, tu ne sais pas que tout à l'heure j'ai eu envie de l'emmener ? Comme il me regardait. Bien sûr, il se doutait de quelque chose. Emmener mouton était une idée qui me parut extrêmement drôle. À la laisse probablement comme un chien, je ne pus m'empêcher de sourire. Diallette voulut faire le partage des bagages et j'eus bien du mal à en prendre plus qu'elle. Sans être froide, la nuit était fraîche. Le ciel était criblé d'étoiles scintillantes sur un fond d'un bleu grisâtre. Tout dormait dans la plaine. Les arbres se tenaient, raides et immobiles, sans un bruissement ou un murmure, et nous n'entendions aucun de ces bruits d'oiseaux ou d'insectes qui font vivantes les nuits d'été. Seulement, de temps en temps, quand nous passions devant une habitation, les chiens nous poursuivaient de leurs jappements. Leurs voix éveillaient d'autres voix dans le voisinage et leurs aboiements allaient se perdant dans l'obscurité silencieuse comme le cri des sentinelles qui s'avertissent et se répondent. Afin de nous mettre à l'abri des poursuites, si la Paulade voulait en entreprendre, nous devions marcher toute la nuit. J'avais craint que Diallette ne pût pas me suivre, mais elle ne parla pas de fatigue avant le matin. Nous avions traversé beaucoup de villages endormis, et les bornes de la route nous disaient que nous étions à 5 lieues de Blois. Une lueur jaune montait au ciel devant nous. Les coqs, réveillés, s'appelaient d'un poulailler à l'autre. Dans les maisons, on commençait à apercevoir des lumières derrière les volets. Bientôt, nous fûmes croisés par des chevaux et des charretiers qui, d'un pas lent, se rendaient au labourage. « Maintenant, » dit Diallette, « reposons-nous, je n'ai plus peur. »« Tu as donc eu peur ? » ?»« Je crois bien, depuis Blois. »« De quoi ?»« Du silence, je n'aime pas ça la nuit. Et puis les ombres s'allongent et se rapetissent. Ça vous fait galoper et arrêter le cœur. » Le jour se leva pendant que nous déjeunions avec mes croûtes. Un jour gris et humide. Il nous montra une grande plaine dénudée à perte de vue, où, dans des bouquets d'arbres, s'élevaient des maisons au-dessus desquelles montaient doucement des colonnes de fumée jaune. Des terres fraîchement remuées succédaient à des sillons de chaume. Nulle part on ne voyait de verdure. Des troupes de corbeaux traversaient lourdement le ciel, et se divisaient en petites bandes pour s'abattre autour des charrues et des herses qui, çà et là, travaillaient dans les champs. Nous nous remîmes bientôt en marche et nous fîmes encore 2 lieues. Mais alors la fatigue commença à nous alourdir. Diallette tombait de sommeil. Elle était si lasse qu'elle dormit 5 heures sans s'éveiller. Ma grande inquiétude dans ce voyage était de savoir comment nous passerions la nuit. J'avais l'expérience du coucher à la Belle Étoile, et je n'étais pas tranquille en pensant au froid de cette saison. Aussi, lorsque nous reprîmes notre chemin, il fut décidé que sans avoir égard à la distance, longue ou courte, nous ne devions nous arrêter que quand nous aurions trouvé un bon endroit bien abrité. Nous le rencontrâmes au pied du mur d'un parc, où le vent avait amoncelé un gros tas de feuilles sèches. comme il était à peine 4 heures lorsque nous fîmes cette découverte, j'eus tout le temps avant la nuit pour préparer notre lit. Je ramassai dans le bois plusieurs brassées de feuilles mortes et je les ajoutai à celles qui étaient contre le mur. Je les tassai bien et au-dessus, j'appuyai dans les fentes des pierres des branches que je fixai solidement en les enfonçant dans la terre. Cela formait des espèces de chevrons sur lesquels j'étendis la couverture. Nous avions donc un lit et un toit. Dielette se montra très satisfaite de cette construction. C'était très drôle, une chaumière dans les bois. Ça ressemblait au petit pousset. Ah, si elle avait eu du beurre, elle aurait trempé la soupe. Mais elle n'avait pas de beurre. Cependant, lorsqu'après notre dîner, qui fut comme notre déjeuner composé de croûtes, le soir commença à tomber. Lorsque la lueur rouge restée au couchant s'éteignit, lorsque les oiseaux perchés dans les sapins feuillus ne firent plus entendre leurs cris, lorsque l'ombre emplit le bois, elle me parut moins rassurée. « As-tu sommeil ? » me demanda-t-elle. « Non. » « Eh bien, si tu veux, ne dors que quand je serai endormie. J'aurai moins peur. » Nous n'étions pas trop mal abrités sous notre couverture. Cependant, par les trous qui étaient nombreux, on voyait les étoiles briller au ciel. Et bien que tout fût endormi dans la nature, on entendait de petits bruits inexplicables qui nous avertissaient que nous n'étions pas dans une maison. Assez longtemps, Dielette se retourna avec agitation. Mais enfin la fatigue l'emporta. Elle s'endormit. Très heureux d'être libéré de ma surveillance, je fis comme elle. J'avais eu raison de craindre le froid. Avant le matin, il nous réveilla. « As-tu froid ?» me demanda Dielette, lorsqu'elle me sentit remuée. « Moi, je suis glacée. » Il n'y avait rien à faire. Nous avions épuisé toutes les précautions. Il fallait nous rendormir en attendant le jour. Pour moi, ça me fut impossible. J'étais transi. Et malgré tous mes efforts pour m'en empêcher, je tremblais de tout mon corps. J'entendais aussi autour de nous un bruit qui m'inquiétait. Sur la terre, les feuilles craquaient comme si des milliers d'insectes les eussent piétinés. « Entends-tu ? » demanda Dielette à voix basse. Malgré mon envie de la rassurer, il n'y avait pas moyen de répondre non. Et d'ailleurs, je commençais à n'être pas très rassurée moi-même. Je voulais être brave, parce que j'avais à protéger ma camarade. Seule, je me serais probablement sauvée. Pendant plus d'une demi-heure, nous restâmes sans oser remuer. J'entendais les dents de Dielette claquer. Notre lit de feuilles était agité par notre tremblement, et au dehors, toujours ce même craquement. Cette continuité et cette égalité dans le bruit finirent par me rendre un peu de cœur. S'il avait été produit par quelqu'un ou par un animal, il aurait varié. Il fallait voir. Je soulevai un peu la couverture. La blanche lumière de la lune qui tombait d'un ciel étoilé me montra qu'autour de nous, tout était dans le même état. Enhardi, je posai la main sur les feuilles afin de me pencher au dehors et de voir plus loin. Les feuilles craquèrent. Elles étaient roides et prises par une couche compacte. C'était la gelée. Cela nous rassura, mais ne nous réchauffa pas, au contraire, de savoir qu'il gelait. Cela nous refroidit encore. Tout à coup, j'entendis Dielette se lever. « Qu'as-tu ? Mon Reseda, il va geler et mourir. » Elle le prit dans ses bras et le cacha sous sa cape pour le réchauffer. Quelle heure était-il ? Étions-nous au matin ou seulement dans la nuit ? La lune s'était abaissée, mais je ne savais pas l'heure de son coucher. Il devint bientôt impossible de rester sous notre abri. Bien que nous fussions accroupis et serrés l'un contre l'autre, nous grelottions au point de pouvoir à peine parler. Nous décidâmes de nous remettre en route. Au moins, en marchant, nous pourrions nous réchauffer. Il fallut replier le campement et le recharger sur notre dos. Mais une difficulté se présenta. Dielette voulut abriter son Reseda. Elle ne trouva rien de mieux que de le tenir sous son manteau, ce qui, en lui paralysant un bras, était peu commode. Je proposai d'abandonner la plante, mais elle me répondit avec colère que je n'avais pas de cœur et je n'osais pas insister. Nous revoici donc sur la grande route, la nuit, par la gelée. Le voyage s'annonçait mal. Cependant, je n'osais pas faire part à Dielette de mes craintes. Elle cheminait courageusement. Et toujours, elle avait quelques paroles gaies qui faisaient du bien. Après une heure de marche dans la campagne, nous entendîmes les coqs chanter, et cela nous fit rire de penser qu'il allait bientôt être jour. Nous étions réchauffés, et nous nous racontions, en nous moquant mutuellement l'un de l'autre, nos frayeurs de la nuit. Nous nous disputâmes un peu, et enfin il fut accordé que j'étais plus brave qu'elle, mais qu'elle était moins bête que moi. De peur d'être poursuivi sur la route de Paris, où la Paulade devait nous chercher s'il nous cherchait, nous avions pris celle qui, de Blois, va à Chartres. Ce n'était, d'après mes études sur la carte, qu'un détour insignifiant. Ce soir-là, nous dépassâmes Châteaudun. La journée avait été chaude, mais le soir se rafraîchit et nous prîmes le parti de demander à coucher dans une auberge. C'était se lancer dans une dépense considérable. Cependant, cela valait mieux que de mourir de froid. « Quand nous n'aurons plus d'argent, » dit Diélette, « je chanterai dans les villages et nous en gagnerons. » Elle dit cela bravement, comme une petite personne si parfaitement sûre de son affaire que sa confiance passa en moi. Mais il n'est pas si facile que cela de gagner de l'argent en chantant. Nous devions bientôt l'apprendre et aussi comment il se dépense. À deux lieues de Châteaudun, on voulut bien nous recevoir dans une auberge et l'on nous demanda 40 sous pour notre nuit. Encore fallait-il dire par-dessus le marché qui nous étions, où nous allions. Heureusement, j'avais une histoire préparée à ce sujet. Nous allions à Chartres, retenir une place pour notre caravane qui nous suivait de près et qui passerait le lendemain ou le surlendemain. Mentir n'allait ni à Diélette ni à moi. C'était une utile nécessité qui nous humiliait. De Châteaudun à Chartres, la route coupe de grandes plaines nues où l'on aperçoit seulement de loin en loin quelques villages au milieu des champs. Mais sur la route elle-même, il n'y a pour ainsi dire pas de maison. En arrivant à Bonneval, qui est un gros bourg, nous crûmes que nous allions faire fortune. Mais on ne nous donna que 3 sous. Je ne compte pas comme générosité une potée d'eau que nous jeta sur la tête un monsieur qui faisait sa barbe, ni la poursuite d'un chien qu'un boucher lança contre nous et qui déchira la jupe de Diélette. Tout n'est pas bénéfice dans le métier de chanteur. « Si j'avais un loup, » dit Diélette, « et toi une flûte, nous gagnerions de l'argent. C'est drôle qu'on ne veuille donner qu'à ceux qui ont quelque chose. » Diélette avait un incroyable esprit de patience. Elle ne s'irritait ni contre ses déconvenus, ni contre les méchancetés. Par bonheur, le soir, nous n'eûmes pas d'auberge à payer. On nous reçut dans une ferme et l'on nous mit coucher dans une bergerie où les moutons entretenaient une bonne chaleur qui fit de cette nuit la meilleure de notre voyage. Le lendemain, au moment où nous repartions, la fermière montait en voiture pour aller au marché de Chartres. Elle eut pitié de l'air fatigué de Diélette et elle lui offrit une place. Mais celle-ci refusa en me regardant d'une façon si expressive que la fermière, comprenant qu'elle ne voulait pas être bien quand je serais mal, nous fit monter tous deux. En couchant ainsi, tantôt dans une ferme, tantôt dans une briqueterie, tantôt dans une auberge, nous arrivâmes, marchant tous les jours tant que nous pouvions, jusqu'à un petit hameau après Bièvre, et qui n'est qu'à 3 lieues de Paris. Il était temps. Nous n'avions plus que 11 sous. Les souliers de Diélette étaient en lambeaux. Elle avait un pied écorché qui la faisait terriblement souffrir toutes les fois qu'après un moment de repos, nous nous remettions en marche, et nous étions si fatigués que nous levions les jambes comme si nous eussions traîné des semelles de plomb. Cependant, elle ne se plaignait pas, et tous les matins, elle était la première prête à repartir. Nos 11 sous ne nous permettaient pas de coucher dans une auberge, mais nous avions eu la chance de rencontrer à Saclay un carrier avec qui nous fîmes route et qui nous avait donné asile dans son écurie. « Il faut partir demain de bonne heure, » dit Diélette. « C'est la Sainte Eugénie, et je veux arriver à temps pour souhaiter la fête à maman. Je lui donnerai mon réséda. » Pauvre Réséda, il était bien dépouillé, déchiqueté, jauni, mais enfin il était encore à peu près vivant, et quelques brins plus vivaces témoignaient de ce qu'il avait été. Nous partîmes quand le carrier vint arranger ses chevaux, c'est-à-dire dès le petit matin. Le temps nous avait été jusque-là, par miracle, favorable, froid la nuit et beau le jour. Mais quand nous sortîmes de l'écurie, il nous sembla que le froid était devenu plus vif. Cependant, le ciel était couvert, pas une seule étoile, et du côté de l'Orient, au lieu des belles teintes rouges et cuivrées

Élevé aux champs, je ne trouvais que des moyens à la portée d'un paysan. Une grange, une écurie, une meule de foin. Or, dans le quartier où je marchais, je ne voyais rien de tout cela. Des maisons, des murs, et puis des maisons. J'avais tourné à droite en sortant de l'hospice à l'encoignure de la rue. Je lus « Rue de Sèvres » et me trouvai sur un large boulevard planté de grands arbres. Où conduisait-il? Je n'en savais rien, peu m'importait. Puisque je n'avais pas de but, autant cette route qu'une autre. J'allais lentement, car épuisé de fatigue, je commençais à ne plus pouvoir me traîner. Mes pieds sans chaussures et plongés dans la neige depuis le matin étaient devenus insensibles, comme s'ils eussent été morts. Sur la contre-allée du boulevard, des enfants avaient fait une glissade. Je m'arrêtai machinalement pour les regarder. Parmi ceux qui passaient devant moi, quelle ne fut pas ma surprise de trouver une figure connue. C'était un enfant nommé Biboche, que j'avais vu à Falaise, où il appartenait à la troupe Vignali. Sa baraque touchait celle de la Polade, et nous avions joué ensemble. Comme j'étais le seul spectateur, il me regarda et me reconnut. Il vint à moi. « Tiens, qu'est-ce que tu fais à Paris? Est-ce que votre lion est arrivé? J'irai voir Dielette. » Je lui dis que j'avais quitté la Polade, que j'étais à Paris depuis le matin seulement, et très embarrassé car je ne savais où coucher. Je ne parlais pas de Dielette, et je terminai en lui demandant s'il croyait que dans sa troupe, on voulut m'engager. Bien sûr qu'on voudra bien, si tu es bon zig. Es-tu bon zig? Je ne me rendais pas bien compte des qualités qu'il fallait avoir pour être un bon zig. Cependant, comme je voyais un lit, je répondis que je croyais avoir ces qualités. Alors tape là, dit Biboche. Et le patron? Est-il lof, ce môme-là? C'est moi qui engage. Tu es de notre troupe. Je t'apprendrai à grincher. Je ne connaissais pas cette langue nouvelle. Sans doute c'était des mots parisiens. Je ne voulais pas paraître trop étonné, bien que je fusse étrangement surpris de voir Biboche, qui n'avait pas 11 ans et qui était gros comme un furet, chef de troupe. « Tu as froid ?» dit Biboche, voyant que je tremblais. « Eh bien, viens te réchauffer. » Il me conduisit chez un marchand de vin, où il me fit boire un verre de vin chaud. « Maintenant que te voilà réparé, en route pour souper. » Au lieu de nous diriger vers le centre de Paris, qui était à notre droite, nous tournâmes à gauche, et pendant longtemps nous marchâmes dans des rues où il n'y avait que de rares passants et où les maisons avaient un aspect malpropre et pauvre. Biboche vit ma surprise. « As-tu cru que je t'offrais l'hospitalité aux Tuileries ? » dit-il en riant. Ce ne fut point en effet aux Tuileries qu'il me conduisit, mais dans une plaine. La nuit était tout à fait tombée. Mais avec elle n'était pas venue une complète obscurité. Nous quittâmes la route et prîmes à travers champs dans un sentier frayé. Au bord d'une excavation, Biboche s'arrêta. « C'est ici, me dit-il. Donne-moi la main et prends garde de tomber. » Nous descendîmes dans une espèce de carrière. Puis après quelques détours au milieu de quartiers de roches, nous entrâmes dans une galerie sous terre. Biboche tira de sa poche un rat de cave et l'alluma. J'étais de plus en plus étonné. Encore une minute, dit-il, et nous arrivons. En effet, presque aussitôt j'aperçus une lueur rouge qui éclairait la carrière. C'était un brasier de charbon. Auprès était étendu un enfant de l'âge de Biboche. Encore personne ? Demanda celui-ci. Non. C'est bon, voilà un ami. Tâche de lui trouver des souliers, il en a besoin. L'enfant s'éloigna et revint presque aussitôt avec une provision de chaussures. C'était à croire que j'étais dans une boutique de cordonnier. « Choisis, dit Biboche, et si tu as l'habitude des chaussettes, ne te gêne pas. On va t'en donner, tu n'as qu'à demander. » Je ne saurais dire quel bien-être j'éprouvais lorsque mes pieds endoloris et glacés se réchauffèrent dans de bonnes chaussettes de laine et dans des souliers tout neufs. J'achevais de me chausser, quand deux autres enfants arrivèrent, puis un troisième, puis un quatrième, puis trois autres encore. En tout, 9. Biboche me présenta. « C'est un ami que j'ai connu dans la banque, dit-il. C'est un bon zig. Et vous autres, allons, qu'est-ce qu'on a fait ? » Chacun alors vida ses poches autour du brasier. L'un portait un jambon, un autre des bouteilles. Il y en eut un qui tira de sa poche une petite bouteille avec un biberon en argent. Il y eut dans la troupe une exclamation générale, des rires, des moqueries. « C'est bon, » dit Biboche, « il boira dedans. » Tout le monde s'assit au bord du brasier, non sur des chaises, mais simplement par terre. Biboche me fit les honneurs du souper, et je fus servi le premier. Il y avait longtemps que je n'avais vu pareille abondance, et je dois même dire que ni à la maison, ni chez M. de Biorel, je n'avais jamais pris part à un pareil festin. Après le jambon, on entama une dinde froide, et après la dinde, un pâté de foie gras. J'avais une si belle faim que je fis l'admiration de la troupe. « À la bonne heure, » dit Biboche, résumant la pression de tous. « C'est plaisir d'inviter des amis qui tortillent comme ça. » Mais la nourriture, la chaleur et surtout la fatigue ne tardèrent pas à m'alourdir. « Tu as sommeil, » dit Biboche, en voyant que mes yeux se fermaient. « Ne te gêne pas. Je regrette de n'avoir ni pieux ni galette à t'offrir, mais tu dormiras bien tout de même, n'est-ce pas ?» À quoi un pieu et une galette pouvaient-ils m'être utiles pour me coucher? Je n'osais pas le demander. C'était encore là, sans doute, des mots distingués qui n'ont pas cours en province. « Un verre de punch, » dit Biboche, « et bonne nuit. » Je refusai le verre de punch, ce qui parut étonner considérablement la société, et demandai à Biboche de me dire où je pouvais me coucher. « Je vais te conduire. » En effet, il alluma une chandelle au brasier, et passant devant moi, il me mena dans une galerie latérale de la carrière. Il y avait une épaisse couche de paille par terre, et dessus, deux ou trois couvertures de laine. « Dors bien, » dit-il, « demain nous causerons. » Et il me laissa en emportant la chandelle. Je n'étais pas trop rassuré dans cette carrière, dont mes yeux ne pouvaient pas sonder la profondeur, en même temps que j'étais très intrigué de savoir ce qu'étaient mes nouveaux camarades. Ces poches pleines, le jambon, le biberon, tout cela me semblait louche. Mais mon accablement était tel que la fatigue l'emporta sur l'inquiétude. À peine roulé dans ma couverture, le sommeil me prit. « Nous causerons demain, » avait dit Biboche. Le lendemain, il serait temps de s'expliquer. J'avais un abri, j'avais bien soupé, la journée avait été assez rude pour ne pas la prolonger. Je m'endormis sans être troublé par les cris de la troupe que j'entendais boire et rire à quelques pas de moi. Le lendemain, ce fut Biboche qui m'éveilla, car sans lui, j'aurais probablement dormi 24 heures. « Tiens, » dit-il, « voilà des frusques, habille-toi. » Je me débarrassai de mes haillons et j'endossai les vêtements qu'il avait jetés sur la paille. Il se composait d'un pantalon et d'une veste taillée dans une bonne laine épaisse et douce. Une faible lueur blanche tombait de la voûte. C'était le jour qui filtrait, difficilement, jusqu'à cette profondeur. « Mon bonhomme, » dit Biboche, pendant que je procédais à ma toilette, « j'ai pensé à toi et voici ce que j'ai trouvé. Tu n'es pas malin dans le métier, n'est-ce pas ?»« Pas trop. » »« Je m'en doutais, ça se voit tout de suite. Si tu voulais, sans apprentissage, travailler comme nous, il t'arriverait malheur. Pour empêcher cela, je vais te mettre avec un bon garçon. » Et tu lui serviras de raton. Malgré mon désir de ne pas me déshonorer en montrant que je n'étais pas au courant de la langue parisienne, il m'était impossible de laisser passer ce mot sans explication. Puisque je devais être un raton, je devais avant tout savoir ce que c'était. « Es-tu habillé ?» dit Biboche en voyant que je le regardais. « Oui. Eh bien, nous allons déjeuner et je te conduirai après chez mon ami. » Je le suivis. Le brasier était éteint et il ne restait aucune trace du festin de la veille. Le jour, un peu plus vif, parce que nous étions plus rapprochés de l'ouverture, laissait voir seulement deux piliers qui soutenaient la voûte, et çà et là des amas de pierres. Dans un creux de la paroi, Biboche prit une bouteille, du pain et un débris de jambon. « Cassons une croûte, » dit-il, « nous déjeunerons chez ton nouveau patron. » Je pris mon courage à deux mains. « Ne te moque pas de moi, » lui dis-je. « Tu sais, je ne suis pas de Paris. Explique-moi donc ce que c'est qu'un raton. » Cette demande le mit dans une telle gaieté qu'il faillit s'étouffer en riant. « Sont-ils lofs dans ton pays ? » dit-il. « Eh bien, mon bonhomme, un raton est un môme. autrement dit un enfant comme toi et moi, pas trop lourd et alerte. Tu ne sais peut-être pas non plus comment beaucoup de marchands ferment leurs boutiques pendant qu'ils sont à manger dans leur cuisine. » Bien que ne comprenant nullement quel rapport pouvait exister entre ces deux idées, je répondis que je ne savais pas en effet comment les marchands ferment leurs boutiques. « Avec une petite barrière basse, » poursuivit Biboche, me passant la bouteille de vin qu'il avait vidée à moitié. « Cette barrière est retenue par un ressort qui correspond à une sonnette. Si quelqu'un entre, il faut qu'il pousse la barrière, alors la sonnette sonne. Et le marchand, qui est bien tranquille dans son arrière-boutique ou dans sa cuisine, vient voir qui est là. Devines-tu maintenant à quoi sert le raton ?»« Pas du tout, à moins qu'il ne soit chargé de remplacer la sonnette. » Biboche retomba dans un accès de rire qui cette fois l'étouffa bel et bien. Quand il eut fini de tousser, il m'allongea une bonne taloche. « Si tu en dis encore de pareil, » fit-il, « préviens-moi, tu me ferais mourir. » Au lieu de remplacer la sonnette, le raton est chargé de l'empêcher de sonner. Pour cela, on le passe par-dessus la barrière. Il va, sans bruit et en rampant, au tiroir, enlève la caisse, la donne à celui qui est en dehors. Celui-ci le reprend au bout des bras, le fait repasser par-dessus la barrière, et voilà. Le marchand est rincé sans le savoir. Cela te va-t-il ? J'étais abasourdi. Mais c'est volé, ça. Eh bien, mais tu es donc un voleur, toi ? Eh bien, et toi, tu es donc un imbécile ? Je restais sans répondre. Je pensais à ce que j'avais vu la veille et me disais que Biboche avait bien raison de m'appeler imbécile. Cependant, il fallait se décider. « Écoute, lui dis-je, si tu as compté sur moi pour cela, tu t'es trompé. » Cette fois, il n'éclata pas de rire, mais il entra dans une colère furieuse. Je l'avais trompé. S'il me laissait partir, je le dénoncerais. « Eh bien non, s'écria-t-il, tu ne me dénonceras pas et tu ne partiras pas d'ici. »« Je partirai. » Avant que j'eusse pu en dire davantage, il s'élança sur moi. Mais s'il était plus souple et plus alerte, j'étais plus fort. La lutte ne fut pas longue. Après le premier moment de surprise où il m'avait renversé, je pris le dessus et le maintenant sous moi. « Veux-tu me laisser partir ? Me vendras-tu ? Non. Jure-le. Je le jure. » Je me relevai. « Tu sais que tu n'es qu'un imbécile, » dit-il avec rage. « Un vrai imbécile. Tu verras si tu vivras avec ton honnêteté. « Si tu ne m'avais pas rencontré hier, tu serais mort aujourd'hui. Et si tu es encore vivant, c'est parce que tu as mangé du jambon volé. C'est parce que tu as bu du vin volé. Si tu n'as pas les pieds gelés, c'est parce que je t'ai donné des souliers volés. Si tu ne meurs pas de froid en sortant d'ici, ce sera parce que tu auras sur le dos des habits volés. » Ces vêtements si bons et si chauds, je n'y pensais plus, tant je me trouvais bien dedans. « Veux-tu me donner la chandelle ? Lui dis-je. Pourquoi ? Pour aller reprendre mes vieux habits. Mais je ne te reproche pas ceux-là, je te les donne. Oui, mais je ne veux pas les garder. Il me suivit en haussant les épaules dans la galerie où j'avais passé la nuit. Je défis les vêtements qu'il m'avait donnés et je repris mes guenilles, humides. Ce ne fut pas, je vous l'assure, une agréable sensation. Quand je voulus mettre mes vieux souliers, je m'aperçus qu'il y en avait un qui était entièrement décousu. Biboche me regardait sans parler. Je voulus me détourner car j'étais honteux de ma misère. « Pour être un imbécile, » dit-il d'une voix douce, « tu en es un. Mais ce que tu fais là, vois-tu, ça me remue, là. » Il se frappa sur la poitrine. « C'est donc bien bon de se sentir honnête. Pourquoi n'essaies-tu pas ? Il est trop tard. Si tu es arrêté, condamné, qu'est-ce que dira ta mère ? Ma mère ? Ah, si j'en avais une ! Tiens, ne me parle pas de ça. » Comme je voulais l'interrompre. « As-tu prêché ? » s'écria-t-il. « Laisse-moi tranquille. Seulement, je ne veux pas que tu t'en ailles comme ça. Puisque tu ne veux pas de ces vêtements parce qu'ils sont volés, veux-tu accepter ce que j'avais quand je travaillais à Falaise ? Je les ai bien gagnés, ceux-là. Prends-les si tu as du cœur. » Je répondis que j'acceptais. « Bien, » continua-t-il, avec une évidente satisfaction, « sortons ensemble, je vais te les donner. » Nous rentrâmes à Paris et il me conduisit dans une maison garnie qui était située auprès de la barrière. Il me fit monter dans une chambre et tira d'une armoire une veste et un pantalon que je me rappelais très bien lui avoir vu à Falaise. Il me donna aussi des souliers qui, sans être neufs, étaient encore bons. « Maintenant, adieu, » dit-il, quand je fus habillé. « Si tu rencontres les camarades, aie soin de ne pas les reconnaître. » Il n'était pas encore 10 heures. J'avais toute la journée pour trouver comment coucher la nuit prochaine. Le temps était au sec. Chaudement vêtu, bien chaussé, l'estomac rempli, je n'étais pas trop tourmenté de cette difficulté, cependant considérable, de trouver un logis dans Paris. Je ne pouvais aller voir Diélette. Je me mis à marcher tout droit devant moi. Peut-être le hasard me viendrait-il en aide. Mais après 2 heures, je n'avais rien trouvé, rien imaginé. Et cependant, j'avais traversé les quartiers les plus différents. Je me dis alors qu'il était plus sage de venir moi-même en aide au hasard. Et je me dirigeai vers la Seine. Mon intention était d'aller à la Halle. Peut-être la brave femme qui m'avait donné 20 sous pourrait-elle me faire travailler, ou du moins m'indiquer chez qui je pouvais demander du travail. Tout d'abord, elle ne me reconnut pas dans les habits de biboche. Puis, quand je lui eus rappelé qui j'étais, elle me demanda ce que j'avais fait de ma sœur. Je lui contai ce qui s'était passé la veille, et je vis qu'elle était touchée. Alors je lui dis que je ne voulais pas abandonner Diélette à Paris, que je voulais attendre qu'elle fût guérie. Mais pour cela, il fallait travailler. Que je ne savais à qui m'adresser et que j'avais pensé, j'avais espéré. « Tu as pensé à t'adresser à la mère Berceau ?» interrompit-elle. « Et tu as bien fait, mon garçon. Ça me flatte, vois-tu, que tu aies reconnu sur ma figure que je ne suis pas une femme à laisser mourir un enfant sur le pavé. On n'est pas riche, mais on se sent. » Elle appela 2 ou 3 de ses voisines et l'on tint conseil pour savoir à quoi l'on pourrait m'employer. Ce qui était assez difficile, car à la Halle, ce n'est pas l'usage que les enfants travaillent. Enfin, après de longues discussions, après qu'on m'eût fait subir 10 interrogatoires, lorsqu'il fut reconnu que je savais bien écrire, on décida à l'unanimité que je serais employé aux écritures de la criée, si toutefois l'on pouvait m'y trouver une place. Je n'assistai pas à ces démarches, qui, me dit-on, furent laborieuses. Tout ce que je sais, c'est que le lendemain matin, à 5 heures, on m'installa derrière un pupitre à la criée du poisson et je fus chargé de copier de petits bulletins. Rien n'était plus facile. J'écrivais vite et lisiblement. Quand Madame Berceau vint voir si l'on était satisfait de mon travail, on lui répondit que cela irait très bien et que je pouvais compter sur 30 sous par jour. Ce n'était pas une fortune, mais comme Madame Berceau me donnait à coucher dans son magasin, c'était plus qu'il me fallait pour ma nourriture. Diélette était entrée à l'hôpital le lundi. J'attendis avec grande impatience le jeudi, et quand j'eus fini mon travail à la criée, je me dirigeai vers la rue de Sèvres. On m'avait donné à la Halle une cargaison d'oranges, et mes poches étaient pleines. L'inquiétude me poussait. J'arrivai avant l'ouverture des portes. Comment était-elle? Vivante? Morte? Lorsqu'on m'eut indiqué la salle Saint-Charles, je me mis à courir. Mais un infirmier m'arrêta et me dit que si je faisais du tapage, on me renverrait immédiatement. Je me mis à marcher sur la pointe des pieds. Diélette était vivante et déjà mieux. Jamais je n'oublierai l'expression de ses yeux quand elle me vit. « Je savais bien que tu viendrais, » dit-elle, « si tu n'étais pas mort de froid. » Elle me fit lui raconter comment j'avais vécu depuis notre séparation. Quand je lui eus raconté l'épisode de la carrière, « Bien, me dit-elle, bien, mon frère. » Elle ne m'avait jamais appelé son frère. « Embrasse-moi, me dit-elle, en me montrant sa joue. » Quand elle apprit ce qu'avait fait pour moi la mère Berceau, « Ah, la brave femme, dit-elle, et ses yeux se remplirent de larmes. » Puis ensuite, ce fut à elle de me répondre. Elle avait été bien malade, sans connaissance, avec la fièvre et le délire, mais elle était bien soignée. Il y avait une sœur qui était très bonne pour elle. « Mais c'est égal, me dit-elle tout bas. Je voudrais bien m'en aller, parce que j'ai peur. La nuit dernière, une petite fille est morte, là, dans le lit à côté, et quand on l'a mise dans la boîte au chocolat, je me suis évanouie. » Diélette se trompait dans son espérance de quitter bientôt l'hôpital. Elle avait été si rudement atteinte que la convalescence fut très longue, elle resta plus de 2 mois à Jésus. Au reste, ce fut pour nous un bonheur. Pendant ce temps, elle se fit aimer de ceux qui la soignaient, de la sœur, du médecin et des internes qu'elle séduisit par sa gentillesse. Tout le monde savait de notre histoire tout ce que nous avions cru pouvoir en raconter, et l'intérêt qu'elle inspirait rejaillissait sur moi. Quand je venais le dimanche et le jeudi, on me recevait comme si j'avais été un ami. Enfin, son bulletin de sortie fut signé. En le lui remettant, le médecin et la sœur lui annoncèrent qu'ils avaient pris leurs mesures pour que nous ne fussions pas obligés de retourner à pied au Port-Dieu. On avait trouvé un meneur de nourrice qui voulait bien nous recevoir dans sa voiture et qui nous conduirait à Vire. À Vire, le meneur payerait notre place dans la voiture publique jusqu'au Port-Dieu. On avait fait une collecte dans la salle Saint-Charles et l'on avait réuni 25 francs, ce qui était plus que suffisant. Moi-même, pendant ces 2 mois, et en vue de notre voyage, que je ne savais pas devoir être si facile, j'avais économisé 6 ou 8 sous par jour, ce qui me faisait une somme totale de 22 francs. Quelle différence entre notre arrivée à Paris 2 mois auparavant et notre départ. La bonne Madame Berceau voulut nous conduire elle-même à la voiture. Elle nous chargea de provisions de toutes sortes. Ce n'est pas un véhicule bien confortable qu'une voiture pour les nourrices. 2 banquettes en planche dans le sens de la longueur, de la paille au milieu, voilà tout. Mais pour nous, c'était admirable. On était à la fin de janvier. Le temps n'était pas trop froid. Ce fut un voyage très agréable. Nous n'étions point des délicats et nous fîmes beau ménage avec les nourrices qui retournaient au pays, chargées de leurs poupons. Quand ils criaient trop fort, ou bien quand on procédait à leur toilette, nous descendions et nous faisions un petit bout de route à pied. À Vire, le meneur nous emballa dans la diligence qui nous descendit à une lieue de Port-Dieu. C'était un dimanche. Il y avait juste 7 mois que j'étais parti. Nous fîmes quelques centaines de pas sans parler ni l'un ni l'autre, car tous deux nous étions embarrassés. Ce fut Diellette qui la première rompit ce silence gênant. « Allons moins vite, dit-elle, je voudrais te parler. » La glace était rompue. « Moi aussi j'ai à te parler. Tiens, voilà une lettre que tu donneras à maman en entrant. »« Pourquoi une lettre ? » dit-elle doucement. « Pourquoi ne viens-tu pas avec moi ? Pourquoi ne me conduis-tu pas à ta mère ? Comment sais-tu si elle voudra de moi ? Et si elle me renvoie, qu'est-ce que je deviendrai ? Ne dis pas ça, tu ne connais pas maman. Si, je la connais bien, mais tu ne sais pas si elle me pardonnera de ne t'avoir pas retenu. Est-ce qu'elle pourra jamais croire que si je t'avais bien prié, tu serais parti ? Quoi ? Tu auras bien voulu m'amener jusqu'ici et tu n'auras pas voulu entrer chez elle pour l'embrasser ? Ça n'est pas naturel, ça. C'est justement ce que je lui explique dans ma lettre. Je lui dis que si je continue ma route sans la voir, c'est parce que je sens bien que si je la voyais, je ne partirais pas. Et alors si je ne partais pas, il faudrait retourner chez mon oncle. Il y a un contrat, et mon oncle n'est pas un homme à abandonner ses droits. Ta maman trouverait peut-être un moyen de ne pas te laisser repartir. Si maman résistait à mon oncle, c'est elle qui payerait pour moi, tandis que si je suis embarquée, il ne pourra rien contre elle. Et quand je reviendrai, il ne pourra rien non plus contre moi, parce qu'un marin inscrit appartient au gouvernement et que le gouvernement est plus fort que mon oncle. J'ai bien pensé à tout cela, va. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas toutes ces affaires du gouvernement, mais je sens bien que ce que tu fais là, c'est mal. Je n'étais pas assez ferme dans ma conscience pour entendre sans colère ce mot que moi-même je m'étais dit tant de fois. C'est mal ? Oui, c'est mal. Et si ta maman t'accuse, si elle dit que tu ne l'aimes pas, je ne pourrai pas te défendre, puisque je penserai comme elle. Je marchais près de Diellette un moment sans répondre. J'étais émue, ébranlée, bien près de céder. Cependant, je me raidis. « Ai-je été méchant pour toi ? » dis-je. « Non, jamais. Crois-tu que je puisse l'être pour d'autres ?» Elle me regarda. « Réponds. Non. » Crois-tu que je n'aime pas maman ? Crois-tu que je veuille la faire souffrir ? Elle espérait m'avoir vaincue. Elle vit que je me défendais. Elle ne répondit pas. Alors je poursuivis. Eh bien, si tu m'as un peu de reconnaissance, si tu crois que je ne suis pas méchant, ne me parle plus ainsi. Tu me déciderais peut-être à rester, et ce serait notre malheur à tous. » Elle n'ajouta pas une seule parole, et nous marchâmes côte à côte en silence, tous deux émus et troublés. J'avais pris un chemin à travers la lande où j'étais presque certain de ne rencontrer personne. Nous arrivâmes ainsi jusqu'au fossé qui servait de limite à notre cour. J'avais entendu sonner la sortie de la messe. Ma mère devait être rentrée. « C'est là, » dis-je à Diellette, en lui montrant par-dessus les ajoncs, la maison où j'avais vécu, si aimée. Elle sentit mon émotion au tremblement de ma voix. « Romain, » me dit-elle, mais je feignis ne pas comprendre ce qu'il y avait de supplication dans ce seul mot. « Tu vas descendre, » lui dis-je vivement. « En entrant, tu tendras la lettre à maman et tu lui diras « Voici une lettre de votre fils. Tu verras, quand elle l'aura lue, qu'elle ne te repoussera pas. Dans 6 mois, je reviendrai. Je vous écrirai du Havre. Adieu. » Je voulus m'enfuir, mais elle se jeta sur moi. « Ne me retiens pas. Laisse-moi. Tu vois bien que tu me fais pleurer. » Elle desserra les mains. « Ne veux-tu pas que je l'embrasse pour toi ?» J'avais déjà fait quelques pas en arrière. Je revins et, lui passant le bras autour du cou, je l'embrassai. Je sentis ses larmes couler sur mes joues. Si je ne me sauvais pas, je ne partirais assurément point. Je me dégageai et, sans me retourner, je me mis à courir. Mais au bout du chemin, je m'arrêtai et revins en rampant me blottir dans les ajoncs. Diellette, après avoir descendu la cour, entrait dans la maison. Longtemps, elle y resta. Je ne voyais, je n'entendais rien. L'inquiétude m'étranglait. Si maman n'était plus là, si, comme la mère de Diellette, elle était... Au moment où cette sinistre pensée se présentait à mon esprit, Diellette parut sur le seuil. Puis, presque aussitôt derrière elle, ma mère. Elle était vivante. Diellette était près d'elle, la main dans sa main. Toutes les deux avaient les yeux rouges. Je me jetai à bas du fossé. 3 heures après, je montai sous la bâche de la diligence et en 2 jours, par Caen et Honfleur, j'arrivai au Havre. Il me restait 7 francs dans ma bourse.